cool for you. We sing again, we say, listen in a new rhythm. Shut, you know, Shamanal. C'est sur un nouveau rhythm rhyme que j'entame, c'est Gregorim. Comme la ton clown pour les gens banals. Et ouais, mec, c'est bien de toi dont je parle. On s'aime tous ceux qui n'ont rien compris à quoi ça leur sert d'être encore en vie. Ils n'ont jamais pensé à un but précis à se fixer. Ils tentent de pas se mourir d'ennui. J'ai une famille, un travail, des enfants, pour ça je suis fier de moi et je suis content. Mais faut dire que je suis arrivé assez difficilement. D'ailleurs je ne vais pas me faire chier maintenant. Tous des moutons, quand ça regarde à la télé des mecs d'abondance à ballon. Tous des moutons, regardez dans leur putain de religion. Jean Banal, listen Jean Banal, t'as rien compris à quoi te servait la vie. Jean Banal, c'est pour ça que je râle, t'es qu'un mouton, tu ne te poses jamais de questions. Jean Banal, listen Jean Banal, t'as rien compris à quoi te servait la vie. Jean Banal, c'est pour ça que je râle, arrête d'être con, prends une autre direction. Tu crois peut-être il y aura une prochaine fois, seulement il n'y a pas de vie après la mort, arrête ça. Tu serais peut-être temps de prouver qui tu es, de faire valoir tes vraies qualités. Peut-être maintenant que t'en as aucune à l'adolescence, t'avais des lacunes à te faire des copines, des blondes, des brunes, tu préférais travailler pour te faire des pubs. Rien quand je t'aperçois quand tu sors du métro, putain tu t'y crois et tu joues le beau, avec ta cravate et ta chemise à carreaux, et en plus de ça tu me t'aimas de haut. Tous des moutons, quand ça parle de ce qu'à faire plaisir au patron. Tous des moutons, et ils se rendent pas compte à quel point ils sont cons. Jean Banal, listen Jean Banal, t'as rien compris à quoi te servait la vie. Jean Banal, c'est pour ça que je râle, t'es qu'un mouton, tu ne te poses jamais de questions. Jean Banal, listen Jean Banal, t'as rien compris à quoi te servait la vie. Jean Banal, c'est pour ça que je râle, arrête d'être con, prends une autre direction. Claude, écoute ça, les ragas me flippent là, on remonte le niveau en te montrant la voie. On passe un super bien avec un flow à la dada, si t'apprécies pas, tu peux rentrer chez toi. Jean Banal, listen Jean Banal, t'as rien compris à quoi te servait la vie. Jean Banal, c'est pour ça que je râle, t'es qu'un mouton, tu ne te poses jamais de questions. Jean Banal, listen Jean Banal, t'as rien compris à quoi te servait la vie. Jean Banal, c'est pour ça que je râle, arrête d'être con, prends une autre direction. Jean Banal, listen Jean Banal, t'as rien compris à quoi te servait la vie. Jean Banal, c'est pour ça que je râle, t'es qu'un mouton, tu ne te poses jamais de questions. Jean Banal, listen Jean Banal, t'as rien compris à quoi te servait la vie. Jean Banal, c'est pour ça que je râle,